Avant d'écouter Richie Thibault, et d'ailleurs il y a aussi un journaliste, je me souviens pas de son prénom d'ailleurs, et il le dit pas dans le micro ouvert, d'un média indépendant qui s'appelle Le Point, P-O-I-N-G. Et bien avant d'écouter tout ça, on s'écoute William Acker qui lui a écrit un livre « Où sont les gens du voyage ?» Une histoire actuelle de l'anti-tsiganisme. En 2022, ça a reçu le prix du livre d'écologie politique et c'est un travail vraiment inédit, quoi. William Acker est allé recenser toutes les aires d'accueil en France. Enfin voilà, j'en dis pas plus. J'ai trouvé une petite capsule de 5 minutes où c'est William Acker qui raconte. On est dans un traitement, en fait, des collectifs romani en France et de ceux qu'on appréhende comme des tziganes, qui est raciste, et ce depuis longtemps. Je m'appelle William Acker, j'ai 30 ans, je suis juriste, je travaille dans le sud de la France et j'ai grandi principalement à Paris dans une famille de voyageurs, de gens du voyage comme on dit. Ce livre « Où sont les gens du voyage ?», il démarre en 2019. Il y a un incendie, celui de l'usine Lubrizol à côté de Rouen, et il s'avérait qu'au pied de cette usine, il y avait une aire d'accueil. Et donc une action collective a été montée avec les habitants de l'aire d'accueil, des chercheurs, des associatifs et moi-même. On s'est vite confronté en fait aux autorités publiques qui n'écoutaient pas ou ne recevaient pas le message parce qu'il manquait des chiffres. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de produire un recensement en recensant méthodiquement sur chaque département l'ensemble des aires d'accueil dédiées aux gens du voyage et en analysant le contexte de cette aire d'accueil, ce qui a démontré évidemment que la majorité des aires d'accueil étaient bien soumises à des pollutions et étaient de manière systémique complètement reléguées des villes. Alors les principales pollutions qui touchent les aires d'accueil sont en règle générale des infrastructures qu'on a elles-mêmes éloignées des villes, donc éloignées pour des raisons de nuisance en fait. Donc c'est des structures qu'on ne veut pas proches des villes, et les aires d'accueil sont aussi des espaces qu'on relègue, puisqu'on estime qu'une aire d'accueil ce sont des sources de nuisance et on ne veut pas en fait de gens du voyage dans les villes. Ce qui fait que généralement en fait les principales sources de pollution ce sont des déchetteries, des stations d'épuration, des autoroutes, des usines Céveso, des carrières, des centrales nucléaires, des centrales électriques. On a toujours ce type d'infrastructure à proximité d'une aire d'accueil. Alors la notion de racisme environnemental, c'est une notion qui a émergé aux États-Unis dans un contexte particulier où les populations afro-descendantes en fait, et afro-américaines ont démontré que les endroits où elles vivaient étaient principalement des endroits les plus pollués. En fait. Et finalement, le système d'aire d'accueil français, le système d'accueil tel qu'il est aujourd'hui en France, est l'exemple type du racisme environnemental, puisque les espaces choisis sont choisis spécifiquement pour une catégorie de population qui historiquement est discriminée à raison de sa race, ou en tout cas appréhendée à raison de ses origines dites ethniques, culturelles ou raciaux. Et ces lieux sont choisis par l'État, de manière systémique, sont relégués et pollués. Donc on est vraiment sur un axe, un schéma quasi parfait de ce que pourrait être le racisme environnemental. Très souvent, on pense que l'accueil est une générosité, une hospitalité, alors en contraire, l'accueil, c'est un droit qui a été gagné au prix de longues luttes. Et non seulement c'est un droit qui a été gagné au prix de longues luttes, mais en plus c'est un droit qui a été largement dévoyé par les pouvoirs publics, puisque aujourd'hui on est plus dans un format en fait de mise à l'écart ou voire d'encampement plutôt que d'accueil. C'est-à-dire que vraiment on fait en sorte que les gens du voyage soient entre eux à l'écart. Il y a eu vraiment une cristallisation de l'antiziganisme à la fin du 19e siècle en France, puisqu'il y a eu petit à petit des migrations qui sont venues se rajouter aux collectifs romani, donc Manouche, Sinté, qui pouvaient déjà être en France. On traitait en tout cas les populations dits nomades comme un fléau des campagnes, c'était le terme. Et donc les pouvoirs publics ont décidé d'appréhender ce fléau des campagnes en le catégorisant, en lui donnant un statut, et c'était le statut de nomade qui a été assorti d'un carnet anthropométrique avec des mesures des membres, de l'anthropologie raciale dans sa forme la plus pure en fait, hein. Un fichage racial qui a servi aussi à l'internement des nomades pendant la Seconde Guerre. Moi, ma famille a été internée dans les camps de concentration et d'internement français. Et en plus, c'était des camps qui étaient gardés par des Français. Ce qui fait qu'il y a eu un ressentiment aussi chez les voyageurs de se dire on a été trahi quelque part. On a toujours été rejeté et trahi. Et ça, finalement, ça a perduré après la Seconde Guerre où là, l'objectif des pouvoirs publics, c'était de sédentariser et en quelque sorte de faire disparaître ces modes de vie du paysage français. Il y a un antiziganisme en France qui est très profond, très ancien, qui est ancré dans le droit, qui est ancré dans l'histoire, dans les politiques publiques. Et pour le déconstruire, il faut déjà l'affronter de face. Aujourd'hui, l'histoire des gens du voyage ou des nomades ou des peuples romani en règle générale n'est pas enseignée à l'école. Il y a assez peu de jeunes, même chez nous, qui connaissent l'histoire de l'internement, par exemple. Il y a très peu de gens qui savent que la majorité des gens du voyage n'avaient pas accès au droit de vote jusqu'en 2012. Ou étaient encore fichés de manière ethnique par la police jusqu'en 2010 dans un fichier des minorités ethniques non sédentaires. Donc tout ça, c'est des choses à voir en face, à montrer, à analyser pour comprendre les phénomènes de l'antiziganisme et pouvoir lutter contre ce racisme. Aussi dire que le son déconne pendant 2-3 minutes. Voilà, après c'est fini. Voilà, c'est problème technique, quoi. Micro ouvert. Oh oh, ça marche. Ça marche. Oui. Allez, Richie Thibault. Qu'est-ce qui ça, Richie Thibault? Allez, c'est parti, rencontre. Je te laisse te présenter. Oui, alors je m'appelle Richie. R-I-T-C-H-Y, on fait souvent la confusion avec l'orthographe, les autres orthographes. J'ai 20 ans, je vis en ce moment sur la région parisienne pour mon boulot, enfin mes boulots et pour les cours, pour ma licence d'histoire. Sinon, initialement, je suis originaire de Sainte-Foy-la-Grande, une magnifique et splendide ville en Gironde, dans laquelle a grandi Élisée Reclus, ce grand géographe, grand penseur de l'anarchie. Une ville également où il y a beaucoup de voyageurs, des gens de ma famille notamment, parce que ma mère est gitane, mon père est manouche. Et c'est vrai que les gens me connaissent beaucoup pour mon engagement politique, parce qu'à l'âge de 14 ans, je suis tombé dans le mouvement des Gilets jaunes, je me suis activement engagé. Et depuis, j'ai épousé de nombreuses luttes, tant sur les questions sociales que sur les questions écologiques et les questions démocratiques. Mais aussi en particulier une lutte qui me tient particulièrement à cœur, à savoir la lutte contre l'antiziganisme, ce racisme spécifique subi par les voyageurs en France, qui est extrêmement violent, qui a une véritable histoire. Et j'essaie par beaucoup de moyens de le visibiliser. Donc voilà, c'est toujours difficile de répondre à la question « qui suis-je ?» parce qu'il n'y a jamais une seule réponse. Mais je suis un gars qui chemine sur les luttes en 2022, après avoir passé mon bac. J'ai fait 5500 km à pied en stop sur le chemin de celles et ceux qui luttent, en rencontrant plein de gens un peu partout en France qui vivaient de manière alternative sur des lieux comme celui-ci, qui expérimentaient tout un tas d'autres existences alternatives. C'était très enrichissant pour moi. Entre-temps, je me suis mis à beaucoup discuter, à prendre des notes, à écrire, à lire. Et j'essaie vraiment de m'outiller au maximum pour au mieux faire écho à nos luttes et à nos idées. Voilà, je ne sais pas si c'est complet comme présentation. T'as 20 ans, c'est ça, hein, tu l'as dit ? J'ai 20 ans. Il y a pas une chance, 20 ans. Ouais, j'ai 20 ans. Voilà, c'est intéressant de le savoir quand même. Quoi. Il y a une chanson que j'aime beaucoup d'ailleurs de Pierre Bachelet qui s'appelle J'ai 20 ans, je crois. T'enregistres aussi alors, toi ? Parce que si tu veux, je peux te filer le son. Hein. Tu peux avoir les mains dans les poches, hein, si tu veux. Comme tu veux, hein. Tu me transmettrais comment, par mail ? Maintenant, là, t'as pas un PC avec toi ou... Oui, je te l'enverrai par mail. Oui, transfert. Ah ouais ? Bon. Tu te présentes un peu comme ça, on sait, parce qu'on voit pas. Hein, c'est quoi, toi, alors, comme média ? Moi, c'est Le Point. C'est un média indépendant local, là, Montpellierin. Enfin, héroleté, on va dire. Qui existe depuis une dizaine d'années et qui parle des luttes sociales, écologiques et des mouvements. Ok, ok. Voilà. Et quoi, c'est de la vidéo ? Ah non, c'est principalement de l'écrit. Après, ça arrive, on tourne quand il y a une conférence ou quoi, on enregistre, mais c'est complètement amateur, on ne fait pas de montage, on est très mauvais sur la vidéo. Très bien. Et quoi ? Dans le mot amateur, il y a le mot amour, enfin le début. Oui, c'est bien dit ça. Eh ben voilà, on fait l'interview ensemble avec Richie en face, et puis il y a aussi deux personnes qu'on ne voit pas, la photographe. Et c'est comment ton prénom, toi ? Moi, c'est Mathis. Et toi, ton prénom ? Juliette. Juliette. Allez, go, alors, je te laisse... Moi, c'est Graziella. Oui, mais vas-y, quoi que tu veux savoir de moi. Et bien, pourquoi t'enregistres ? Ben, moi, j'enregistre pour la radio. Radio, micro ouvert sur Radio Campus Bruxelles, voilà. c'est alors la radio belge, ok. Ah oui. Non, ben du coup, est-ce que tu parlais déjà dans la conférence que tu as faite tout à l'heure, là tu parlais du peu de politisation chez les gens du voyage, tout ça. Comment t'expliques ça, toi, de manière un peu plus approfondie? Moi, je pense surtout que c'est en fait une assignation, ce que j'appelle comme ça en tout cas une assignation à l'apolitisme. C'est-à-dire que les voyageurs font partie de ces gens à qui on dit « la politique, elle ne vous regarde pas. La politique, ce n'est pas votre affaire. » Mais comme tout un tas d'autres populations. Et c'est vrai que les voyageurs, si tu veux, dans leur histoire contemporaine, ils ont été fichés anthropométriquement dès 1912. Ils ont été internés, pour certains dès la Première Guerre mondiale, d'autres durant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, dès 1969, ils ont eu un statut spécifique, le statut de gens du voyage, avec surtout toujours des cartes de circulation, des carnets de circulation qui devaient être tamponnés régulièrement en gendarmerie, dans les commissariats, jusqu'à très très récemment. Ils étaient très souvent privés du droit de vote. Et donc cette histoire de stigmatisation, déjà de privation de la citoyenneté, mais surtout de stigmatisation, fait qu'il y a une entrée dans la politique qui est très très lente. Et il y a vraiment une absence de légitimité, quoi. C'est vrai que quand un homme politique... Enfin déjà, citez-moi un homme, une femme politique, un mouvement politique qui parle des voyageurs. Si ce n'est en mal. C'est, par exemple, tu prends la journée du 2 août, qui est une journée européenne de commémoration du génocide rome, qui n'est pas une journée de commémoration officielle en France, malheureusement, mais on y travaille. Mais qui est reconnue dans la plupart des autres pays européens, eh bien, même si elle n'est pas reconnue, il pourrait y avoir des partis politiques, notamment progressistes, qui font écho à cette journée. Aucun. Moi, j'ai regardé, par exemple, ce 2 août, aucun mouvement politique, même de gauche et d'extrême gauche, n'a fait une seule publication en la matière. Si ce n'est la députée Ercilia Soudé, avec qui je travaille, qui s'engage sur cette question et qui, à titre personnel, a communiqué sur la question. Mais il y a une absence totale. Donc, il y a plusieurs facteurs historiques dus à la stigmatisation, au racisme, mais qui s'explique aussi également sur le plan des gens eux-mêmes, de nous-mêmes, une absence d'organisation pour le moment. Et là aussi, on y travaille à bâtir une véritable organisation Rome, une véritable organisation de voyageurs, de jeunes gitans, Manouche, Sinté, Yanniche. Il n'y a pas déjà une association, la Voix des Roms? Alors, il y a plusieurs assos, la Voix des Roms, la NGVC, mais c'est des trucs qui sont souvent assez vieux ou qui ont du mal à créer des dynamiques, où il y a peu de jeunes. Et là, on essaie vraiment de créer un truc avec des jeunes. C'est un long processus de création. Mais l'idée, ce serait vraiment de... En fait, si tu veux, on ne peut pas se plaindre que les gens ne s'occupent pas de nous. Et ça ne sert à rien de demander aux gens de s'occuper de nous, tu vois, de quémander quoi que ce soit. C'est à nous-mêmes, et c'est ça la conséquence qu'on tire aujourd'hui, la conclusion, de nous organiser pour faire entendre nos voix et pour nous faire respecter. Ils ne vont pas nous respecter si on ne leur impose pas le respect. Et donc, c'est ça le truc, tu vois. Mais il y a quand même des figures qui nous servent de boussole et d'exemple chez nous, tu vois. Dans nos familles, déjà, les gens sont forts. Hein. Moi, ma grand-mère était très forte, ma mère était très forte. Et ce sont des exemples de résilience, d'opiniâtreté, de persévérance. Mais il y a aussi des gens qui ont mené des combats politiques. La figure de Raymond Gurem, c'est une figure extrêmement importante, c'est un grand résistant, c'est un héros pour nous dans la communauté, qui dès l'âge de 14 ans a été interné, qui s'est évadé à plusieurs reprises, qui est entré dans la résistance vaillamment, qui a fait vivre la mémoire de l'internement et des oppressions toute sa vie durant, qui était à la fin de sa vie sur les ronds-points des Gilets jaunes, qui a fait beaucoup beaucoup de combats. La figure d'Aurélie Garand aussi. Aurélie Garand, c'est la sœur d'Angelo Garand, qui a été tuée par une antenne du GIGN en 2017, abattue chez lui. Et cette femme, Aurélie Garand, elle mène un combat admirable, extrêmement puissant. C'est qui est aussi une personne c'est une voyageuse. Et elle mène ce combat-là. Donc chez nous, il y a des gens comme ça qui mènent ces combats, qui sont très inspirants. Il y a Anna Tiutiu, qui était une de mes avocates, qui est une amie, qui est une avocate d'origine rome-roumaine, qui a connu beaucoup de difficultés, qui a connu les bidonvilles, qui a connu l'oppression raciste, qui a connu tout un tas d'humiliations de par l'immense précarité, etc. Et elle a réussi à devenir avocate. Elle est passée des bidonvilles au banc de la Sorbonne, quoi, pour faire une métaphore un peu provocatrice. Elle est devenue avocate et elle a fondé le collectif École pour tous, qui est un collectif qui lutte pour que les 100 000 enfants et jeunes, voire bien plus, qui sont exclus de l'école, puissent y accéder, notamment les jeunes voyageurs. D'accord. Est-ce que tu peux nous réexpliquer aussi un peu les différences entre Rome, Gitan, Manouche? Si tu veux, tous ces gens-là ont une origine commune. Le terme générique habituellement qui est utilisé à l'époque dans le champ scientifique, c'était le terme tzigane. Aujourd'hui, c'est plutôt le terme rom, qui est un peu quelque chose, un endonyme, un mot qui vient de l'intérieur, parce que rom, ça veut dire homme en romanesque. Et c'est un terme qui devient de plus en plus consensuel, même s'il y a beaucoup de réticences, par exemple en France, chez certains voyageurs. Bref, tous ces gens-là en fait, ont une origine commune, c'est-à-dire qu'une fois à leur arrivée en Europe, ils sont partis, alors c'est très flou, il y a eu très peu de travaux en la matière, mais certains diraient du nord de l'Inde, et au bout d'un long périple, une fois leur arrivée en Europe autour du 15e siècle, certains se sont installés dans l'est de l'Europe, ce sont les Roms, on les appelle les Roms, certains dans le centre, l'Italie, l'Allemagne, etc., on les appelle les Sintés, les Manouches, les Gypsies en Espagne, les Gypsies en Angleterre, pardon, et les Gitans en Espagne. Je suis fatigué, vous me pardonnez. Et donc, en gros, c'est surtout une histoire géographique. C'est-à-dire que ces populations ont des origines communes, une vraie culture commune, notamment sur le plan linguistique. Et ensuite, il y a un métissage avec leurs zones, les zones dans lesquelles ils se sont installés. Je ne sais pas si c'est très clair, mais donc, voilà, en gros, et c'est environ plusieurs millions de personnes. Il y a des vieux chiffres qui ont plus d'une décennie qui parlaient de 12 millions de personnes. Aujourd'hui, je pense qu'on est autour de plus de 15 millions de personnes en Europe, largement, qui sont Roms, Sintés, Manouches, Yéniches, voilà, Gitans. La fête de Sainte-Marie de la Mer, là, par exemple, ça réunit tout le monde. Alors, non, parce que justement, il y a plein de diversité, tu vois, c'est pas du tout uniforme. Il y en a certains qui sont, sur le plan religieux, il y a des gens qui sont évangélistes, et qui du coup ont leur propre pèlerinage, notamment à travers l'association Vie et Lumière. Et puis il y en a d'autres qui sont catholiques et qui vont du coup au Sainte-Marie de la Mer. C'est un pèlerinage gitan qui célèbre la figure de Sainte-Sarah. Puis il y en a d'autres qui sont moins croyants. Puis il y a y compris en Europe des gitans, des roms qui sont musulmans, un certain nombre, notamment dans l'Est. Donc il y a une vraie diversité, quoi. Ok, d'accord. Et alors, plutôt dans l'année, tout ça, il y a eu pas mal de luttes par rapport à ce que tu appelles le racisme environnemental. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est que ce racisme environnemental? Alors, le racisme environnemental, c'est le fait de parquer des populations, donc là en l'occurrence les voyageurs, à côté de sites et de zones polluées, de zones dangereuses. Je donnais un exemple très éloquent tout à l'heure lors de la conférence, c'est à côté de Céveso, un site Céveso, le site Lubrizol à Rouen, où, si tu veux, le premier lieu d'habitation, il y avait un énorme incendie en 2019, extrêmement dangereux, avec de graves pollutions, des fumées très polluées. Toutes les populations aux alentours ont été évacuées, sauf le premier lieu d'habitation qui était une dite aire d'accueil en guillemets, parce que ces terrains n'ont rien d'accueillant. Et les gens ont été parqués pendant plusieurs heures, pendant voire deux jours, je crois, par la BAC là-bas. Donc le racisme environnemental, c'est l'État français en l'occurrence qui parque les gens du voyage à côté d'autoroutes, de déchetteries, de cimetières, de sites pollués, de sites dangereux, loin des regards, en périphérie des villes, pour mettre en danger. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup plus de cancers, de maladies respiratoires chez les voyageurs. Il y a une vraie mise en danger intentionnelle et profondément raciste. Ça, c'est le racisme environnemental. Et il y a un travail de William Acker qu'il faut lire. Je suis occupé à lire. C'est incroyable, ce livre. William Acker a écrit un super bouquin aux éditions du Commun qui s'appelle « Où sont les gens du voyage ?». Il a fait un travail méticuleux, extrêmement précieux en la matière. Je vous invite vraiment à puiser à l'intérieur de son travail pour compléter ce que je viens de vous dire, parce que moi, je vous fais juste une petite introduction, mais son œuvre est très complète. Et effectivement, il y a des luttes. C'est-à-dire que ça, c'est une stigmatisation, une oppression des voyageurs, le racisme environnemental, comme l'exclusion d'école des voyageurs, comme les flics qui tuent des voyageurs. Il y a plusieurs déclinaisons de l'antitziganisme en France, ce racisme spécifique aux voyageurs. Mais donc, il y a aussi des luttes d'émancipation. Et par exemple, il y a des femmes à Lille, à côté de Lille, qui ont créé un collectif qui s'appelle Dasovas, Tendre la main, en romanesque. Et elles ont créé ce collectif pour dénoncer justement les conditions de vie indignes sur leur aire d'accueil, tant au niveau des pollutions que des barrières anti-caravanes installées qui empêchent l'arrivée des pompiers sur le terrain s'il y a des incendies. Il y a eu des incendies, il y a des caravanes qui ont brûlé en pleine nuit avec une pauvre bête qui est morte, un chien ou un chat, je crois. Heureusement, ça passe, les gens ne sont pas morts à l'intérieur. Mais l'administration, les collectivités qui administrent l'aire d'accueil maintiennent ces barrières anti-caravanes en sachant que ça empêche l'intervention des secours, et notamment des pompiers. C'est une véritable mise en danger d'autrui. Il y a l'interdiction d'avoir des lieux de culte pour les gens qui souhaitent pratiquer. Il y a tout un tas de stigmatisations. Et les femmes d'Azovas, donc à Lille, ont mené des combats, et un combat victorieux. Elles sont en train d'établir une charte avec la métropole lilloise pour faire valoir et respecter leurs droits par la métropole. Donc il y a des luttes qui avancent, il y a des combats qui avancent chez les voyageurs et les voyageuses. Et il y a une vraie accélération ces dernières années. D'accord. Et quoi, comment ça se fait qu'il y a une accélération? Pourquoi? Parce que... Il y a des figures qui émergent, tu vois. Je parlais en 2017 d'Aurélie Garand. Il y a la figure de Raymond Gurem qui est décédé, je ne dis pas de bêtises, en 2020. Et du coup, son décès a permis encore de le populariser encore plus, de faire parler de lui. Il y a William Acker et ses travaux. Il y a Anina Tchouchou, dont je vous parlais du collectif École pour tous. Il y a les figures. Qu'est-ce qui fait que maintenant que ça prend comme ça, même toi, ton parcours, c'est les médias, c'est pas du tout les médias qui au contraire sont profondément racistes et véhiculent des clichés. Non, mais je parle des médias sociaux parce que moi je t'ai rencontré sur Parole d'honneur, voilà, quoi, tu vois. Les réseaux sociaux ils jouent sûrement, tu vois, mais il y a un vrai réveil en tout cas. Je sais pas trop l'expliquer, faudrait y réfléchir, mais il y a un vrai réveil. Il y a les gens qui ont émergé durant le mouvement des Gilets jaunes, les voyageurs aussi, comme Christophe Détinger, moi et tant d'autres, tu vois, qui ont commencé au début dans une lutte sociale et qui ensuite, grâce à leur engagement chez les Gilets jaunes, ont pris conscience qu'il y avait un taf énorme à faire contre l'anti-ciganisme. Donc non, il y a... Ça se réveille, quoi. Tant mieux, hein. Régulation. Ouais. On attend la question de monsieur. Et comment ça se fait, à ton avis, du coup, que les gens du voyage aient été particulièrement investis dans le mouvement Gilets jaunes? Parce que jusqu'alors, quand on fait de la politique dans ce pays, c'est toujours des gens en col blanc, des hommes en cravate, qui parlent bien, qui utilisent les bons mots, qu'on ne comprend pas, qui font exprès de ne pas être compréhensibles. Vous voyez un peu le cliché. Et c'est une manière, c'est un entre-soi, tu vois. C'est un entre-soi bourgeois, capitaliste, etc. Excluant. Et les voyageurs sont souvent exclus de l'école très tôt. Moi, mes parents ont été déscolarisés. Dès l'école primaire, parce que c'est un système qui exclut les voyageurs de l'école, qui est, pour ceux qui voyagent encore, c'est encore pire, parce qu'ils sont mis au fond des classes à faire des dessins. Mais toi, comment ça se fait que toi, t'as pu faire un parcours par exemple? Bah, c'est un concours de circonstances, tu vois. Mes deux frères, eux, c'est pas du tout le cas. Mon petit frère est incarcéré, mon grand frère, pour d'autres raisons, en plus, il a des problèmes pathologiques. Mais c'est vrai que c'est un peu une exception, et c'est beaucoup de chance et beaucoup de combativité. Mais ça n'a pas été facile, hein. Moi j'étais en échec scolaire total comme la plupart des autres voyageurs, et c'est vraiment les Gilets jaunes et l'engagement politique qui ont été salvateurs et qui m'ont donné la niaque. Mais du coup, pour en revenir à ta question qui était de savoir si pourquoi les Gilets jaunes, il y a eu un engagement massif dans les Gilets jaunes, ouais. Du coup, j'expliquais qu'en fait il y a quelque chose de très rebutant pour les voyageurs, mais pas que, hein, mais à la politique classique et conventionnelle. Et ce qui a fait qu'il y a eu un engagement massif chez les Gilets jaunes, c'est que c'était pas du tout de la politique conventionnelle. Il y avait le feu le soir, où on se mettait au bord, on parlait, on refaisait le monde. C'était les routes sur lesquelles les gens passaient, donc pouvaient s'arrêter facilement. Et on amenait les enfants à l'école, etc. Il y avait aussi la dimension que c'est des problèmes qui concernent beaucoup les voyageurs, notamment ceux qui sont itinérants, qui dépensent beaucoup d'argent dans les carburants, etc. Donc il y a un truc qui parlait, c'était la politique de la vie quotidienne. C'est des problématiques que les gens connaissaient dans leur chair. C'était pas quelle société devons-nous établir, un truc hyper abstrait, tu vois. C'était le quotidien aussi des voyageurs. Donc c'est pour ça qu'ils se sont sentis concernés, en partie. Mais aussi parce qu'il y a une vraie simplicité. Il y avait les gens ne donnaient pas de leçons et apprenaient sur les ronds-points humblement. Donc je pense que c'est ces éléments-là qui participent à expliquer cet engagement massif. Et ce qui est aussi très impressionnant, et j'ai quelques photos que je vous montrerai peut-être plus tard, ou pendant le mouvement des Gilets jaunes. Quand j'étais à 14 ans dans le mobilhome de mes parents à Sainte-Foy, et que je pouvais pas aller dans les manifs à Paris parce que c'était dangereux, etc. Mes parents voulaient pas trop m'emmener parce que c'était pas leur truc à eux, quoi, c'était mon truc. Et donc sur mes écrans, je regardais beaucoup les lives de manifs, et j'ai souvent pris des screens de drapeaux voyageurs un peu partout dans les manifs de Gilets jaunes, et ça m'avait vraiment impressionné. Alors le drapeau Rome voyageur, tzigane entre guillemets parce que c'est un terme assez péjoratif, c'est un drapeau qui est né durant un événement extrêmement important qui est peu connu. C'est en 1971, à Londres, le premier congrès international Rome, avec des Roms du monde entier, dans la figure de Matteo Maximoff, un grand écrivain, enfin des artistes hyper célèbres Roms, qui pour la première fois se sont réunis, qui ont adopté l'hymne des Roms et des voyageurs, qui s'appelle Jelem Jelem, et qui ont adopté également un drapeau, notamment. Et ce drapeau, c'est le drapeau en fait, avec du bleu en haut, le bleu du ciel. En bas, c'est vert. C'est la terre. Et au milieu, il y a une roue. Alors certains disent que c'est la roue du voyage. On peut le lire comme ça, mais en réalité, c'est la roue qui fait référence à la roue du drapeau indien, des origines indiennes. Ah ouais. Tu le connais, le drapeau des voyageurs? Oui, bah, je confirme qu'il était à Montpellier, il était au manif des Gilets jaunes. Le drapeau apparaît dans l'espace public, ça a été à travers le mouvement des Gilets jaunes. Enfin, en masse, quoi. Il y a eu des occurrences, mais massivement. Dans toutes les villes, à Strasbourg, à Montpellier, à Paris, moi je me souviens du 16 mars 2019, ces drapeaux-là. Le 16 mars 2019, dans les manifs, C'était explosif, c'était une vraie émeute à Paris le 16 mars 2019, ultimatum des Gilets jaunes. Et en tête de cortège, le Black Bloc, en début d'après-midi, les 4-5 drapeaux qu'il y avait, c'était des drapeaux roms. Et c'était hyper touchant, quoi. Moi, j'aime pas les drapeaux. Non, mais chacun aime ou pas les drapeaux. Non, mais tu vois, un drapeau, oui. Mais le drapeau rome, il est beau. Il est très beau, mais en plus pour un groupe qui est toujours invisibilisé dans l'histoire, qui est toujours mis à la marge de l'histoire. C'est ça qui joue aussi. L'histoire, c'est hyper important ce côté visibilité, quoi. Et quelle proportion de voyageurs sont plus des voyageurs sont sédentarisés? À ton avis, t'as une idée de ça? En France? Ouais. Ce qui est assez marrant, c'est que chez nous, on s'appelle les voyageurs, alors que pour la plupart d'entre nous, on est sédentarisés. C'est-à-dire qu'en vrai, moi, je pense tout le monde, tous les gens qui tournent autour du monde du voyage au sens large, ça doit être en France, on doit frôler les 1 million de personnes. Tu vois, dans l'immense majorité, c'est sédentarisé. Et après, il doit y avoir, je pense, 150 000 personnes qui sont semi-itinérantes. C'est-à-dire qu'ils mettent les enfants à l'école, tu vois, jusqu'en fin juin. Ils grattent un peu fin juin. Ils grattent après jusqu'à fin mi-septembre pour les remettre. Et entre juin et mi-septembre, ils voyagent, voilà, c'est des semi-sédentaires. Et puis ceux qui sont vraiment itinérants, il y en a quelques milliers, c'est vraiment ils sont vraiment très minoritaires, mais il y en a encore effectivement. Mais c'est très très dur parce que ça coûte très très cher le voyage. Les gens ne le savent pas, mais un emplacement sur une aire d'accueil qui n'est pas du tout accueillante, c'est minimum 7 euros par jour et par caravane. Souvent il y a deux caravanes parce qu'il en faut une par les enfants, plus l'eau et l'électricité, ça revient beaucoup plus cher qu'un loyer. En plus, les voyageurs sont des commerçants itinérants, donc ils doivent avoir le statut d'auto-entrepreneur. Donc c'est l'URSSAF, c'est beaucoup plus cher que les impôts conventionnels, c'est 20% parfois plus, un truc du genre. Et en plus, des fois sur les marchés, les placiers refusent de donner les bonnes places ou refusent de donner des places tout court, parce que quand tu voyages, ça a forcément un métier itinérant. Soit tu exposes du linge, de la literie, des bijoux, du manger, tu fais des stands pour vendre tes services en tant qu'artisan. Et c'est une vie qui est très difficile. L'État français a tout fait pour mettre fin à l'itinérance des voyageurs en France. Notamment, les municipalités sont par exemple censées dans la loi Besson, qui était une loi qui encadrait justement la circulation des voyageurs. Toutes les villes de plus de 5000 habitants étaient censées construire des aires d'accueil. Entre guillemets, encore une fois, je le précise, mais vous l'avez bien compris, elles ne sont pas accueillantes. Et la plupart des collectivités ne respectent pas ça. D'une part, d'autre part, elles sont insalubres. Parfois, il y a des barbelés. Non, c'est révoltant, vraiment, Richie. C'est révoltant tout ce qui se passe là-dessus. Parfois, il y a des barbelés autour. Ça rappelle les camps. D'ailleurs, il y a des aires qui se situent. Il y en a beaucoup qui se situent sur d'anciens camps d'internement. C'est assez dingue. À côté de sites pollués, etc. Et du coup, ouais, et plus toutes les municipalités qui ne respectent pas. Parce qu'en plus, celles de moins de 5000 habitants, à savoir la majorité des communes françaises, sont obligées de mettre un terrain à disposition s'ils n'ont pas d'aire d'accueil, quand il y a des voyageurs qui passent, et elles ne le font pas. Et donc, en fait, tous les ans, il y a dans la presse, quand vous regardez, il y a des articles, vous tapez gens du voyage, les gens du voyage s'installent illicitement. Sans préciser que ce n'est pas les voyageurs qui sont dans l'illégalité, mais c'est les mairies qui ne construisent pas des aires d'accueil. Et donc, ça véhicule une image, tu vois, du délinquant, etc., alors que c'est les municipalités qui sont en état de hors la loi, quoi. De la loi, qui sont hors la loi, voilà, tout à fait. Est-ce que, alors après, il y a un autre truc à Montpellier, en tout cas, la mairie, là, a décidé de raser plusieurs bidonvilles qui accueillaient des Roms, tout ça. Elle les a tous concentrés dans un truc qui s'appelle La Rose, et qui est géré par une association, enfin, qui était, puisque c'est fini aussi, qui était géré par une asso de travail social et tout. Alors on peut se dire, c'est assez cool, les assos, machin. Et en fait, en mettant le nez là-dedans, on se rend compte qu'il y avait un règlement complètement flou, où les gens n'avaient pas le droit de ramener d'alcool à l'intérieur, où ils vivaient dans des algécos avec des caméras à l'intérieur des lieux privés, où ils n'avaient pas le droit de quitter la France pendant plus d'une semaine d'affilée, y compris pendant l'été pour les vacances. C'est chouette, ça a l'air chouette comme truc. Ouais. Non, ma question, c'est, est-ce qu'il y a des luttes aussi par rapport à la manière dont le travail social prend ça en charge? Il y a beaucoup de luttes dans la matière. Bon, déjà, il faut préciser qu'il y a beaucoup d'actes anti-ciganes et de Roms, notamment, qui sont victimes d'attaques racistes, de crimes racistes. Je pense à Angela Rostache, une femme rome, quarantaine d'années, enceinte de 6 à 8 mois, je crois, qui est déjà mère de famille, qui s'est fait tuer par un groupe de chasseurs racistes. Et ça, c'est extrêmement grave. Pendant plusieurs mois, ça a été passé sous silence médiatique. Et quand ça a été sorti du silence, il y a plein de gens qui disaient bien fait, etc. Donc un groupe de chasseurs racistes. qui a tué cette femme. Mais il y a beaucoup de dits terrains. Enfin, les gens appellent ça des camps, mais moi, je suis toujours mal à l'aise avec l'expression des camps parce que ça rappelle les camps que nos ancêtres ont vraiment connus, quoi. Mais quoique, c'est vrai qu'il y a des vraies ressemblances. Mais il y a beaucoup de bidonvilles, donc où il y a beaucoup de Roms et où il y a des tentatives d'actes racistes où les gens mettent feu, etc. C'est très, très fréquent si vous faites des recherches. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et ensuite, il y a beaucoup d'expulsions. Soi-disant pour sortir les gens de l'insalubrité, mais quand tu les expulses, en fait, c'est au contraire les priver d'une certaine continuité, parce que quand une personne est dans une bidonville, certes, c'est pas agréable et c'est pas le tip-top, mais au moins, il y a la possibilité de scolariser les enfants. Or, quand tu expulses, tu brises toute la possibilité de travail, de scolarisation des enfants et toute possibilité de se sortir de là, justement, parce que tu assignes les gens et tu condamnes les gens à la dérive, à l'errance. J'aime bien cette expression de condamnation à l'errance pour les voyageurs et pour les Roms, de bidonville en bidonville, à chaque fois avec des conditions de plus en plus délétères. Et effectivement, quand il y a des lieux un peu de parcage qui sont mis en place par les municipalités, les collectivités, il y a tout un tas d'associations de médiation sociale, entre guillemets, qui sont en fait des associations de surveillance avec des gadgets. Nous, on lutte beaucoup pour que ce soit les voyageurs eux-mêmes qui gèrent ces associations. Les gadgets, c'est les blancs. Les gadgets, voilà, c'est les blancs, les non-voyageurs, en fait, en romanesque. Et ces assos sont gérés par les gadgets pour faire de la surveillance, pour mettre des caméras, pour interdire de faire ci, de faire là, pour documenter ce que font les parents, les enfants, etc. etc. Et c'est un vrai problème, effectivement. Ok. Est-ce que tu peux nous parler maintenant un peu plus de l'aspect violence policière, de ce qui s'est passé avec Mikey, tout ça et... Alors, il y a beaucoup, beaucoup de crimes policiers chez les voyageurs, mais ce n'est pas ceux dont on entend parler le plus, parce que les voyageurs ont tellement été stigmatisés qu'il y a une peur de sortir de l'ombre. C'est là, on l'a vu effectivement avec Mikey Loretch, ce voyageur d'une vingtaine d'années, tué de plusieurs balles dans la tête alors qu'il était dans son véhicule avec sa femme et leur bébé de 6 mois, tué, abattu, froidement, exécuté par des flics, alors qu'il représente un danger, que les flics auraient pu l'arrêter avant, à plusieurs reprises, alors qu'ils avaient sa plaque d'immatriculation, alors qu'ils connaissaient son domicile. Exécution froide, dès que les voyageurs se sont soulevés, se sont mobilisés à Toulouse, il y a eu une répression folle devant l'hôpital quand ils ont été manifestés pour vouloir récupérer le corps. Les enfants, les femmes ont été gazés, il y a une violence disproportionnée contre les voyageurs. Et donc c'est ça qui fait beaucoup peur et c'est pour ça qu'on n'entend pas tant parler des crimes policiers touchant les voyageurs, mais il y en a beaucoup. Moi, à l'âge de 10 ans, je m'en souviendrai toute ma vie, je crois que c'était autour de 2013-2014, enfin un truc du genre. On avait un oncle, un très proche de la famille qui s'appelait Daniel Povy et on mangeait souvent avec lui, etc. Et il s'avère qu'un jour, à Biscarrosse, dans le cadre d'un cambriolage, les flics étaient intervenus et avaient moyen de l'arrêter. Et à la place de l'arrêter, ils lui ont tiré plusieurs balles dans le corps, de dos notamment. Et il est mort alors qu'il avait des enfants. Et ça m'avait traumatisé à l'époque. Alors j'avais aucune conscience politique ni rien, mais ça m'avait beaucoup fait de mal. Et notamment à mes parents, à sa famille. Il n'y avait aucun combat, aucune démarche engagée. Ensuite, il y a Aurélie Garand, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été une des premières voyageuses à sortir du silence suite à un crime policier pour son frère Angelo, qui s'est battue, qui a mené un combat judiciaire, qui a essayé de construire des ponts entre les familles de Noirs et d'Arabes tuées par la police aussi, pour faire une convergence antiraciste commune. Voilà, il y a Henri L'Enfant également, enfin, il y a beaucoup beaucoup de trucs si vous vous documentez que vous trouverez. Mais il y a aussi une disproportion en termes de violence policière, c'est-à-dire que par exemple chez les voyageurs, quand il y a des interventions de police, on envoie tout de suite le RAID et le GIGN ou la BRI, les unités spécialisées, on n'envoie jamais les simples gendarmes du coin. Il y a vraiment ce comportement là aussi qu'il faut noter, quoi. Il y a la prison aussi, il y a la prison, le fait que les voyageurs, et ça il y a des rapports qui ont été faits, et là il faudrait vraiment se retourner vers deux avocats, je vous transmettrai bien leurs contacts, donc Anina Tchutchou dont j'ai parlé tout à l'heure, et Henri Braun, qui est un avocat qui accompagne beaucoup de voyageurs. Il y a des études qui démontrent, et des recherches, que la justice est beaucoup plus sévère avec les voyageurs. Dès que ils disent que par exemple pour les voyageurs le sursis c'est pas une peine et donc ils mettent systématiquement très souvent du ferme. Donc voilà, il y a une justice raciste. Il y a aussi des fichiers spéciaux pour ficher les voyageurs dans les services de police. Des fichiers ethniques, ça existe encore. C'est nous sur Montpellier, c'est une des luttes hein, de de gitans qu'on a eu, ça a été par rapport aux conditions de détention à Villeneuve-les-Maglone. Est-ce que tu sais si nationalement il y a une présence des gens du voyage dans les luttes anticarcérales ou par rapport aux conditions de détention? Alors, je ne me suis pas énormément documenté là-dessus. Ce que je sais, c'est que les voyageurs ont été beaucoup condamnés à la prison. Et du coup, effectivement, moi, c'est quelque chose que je connais, etc. Et donc, effectivement, il y a des réflexes. Par exemple, Matteo Maximoff, qui est un grand écrivain rome voyageur, il écrivait depuis sa prison, quoi. Mais oui, il y a des... Je pense qu'il y a certains voyageurs qui ont dû s'engager dans ce type de démarche. Il faudrait que je documente et que je me renseigne là-dessus. Mais après, c'est pas non plus massif, quoi. Mais ça a dû exister marginalement, quoi. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire, ça c'est sûr, en la matière. Pour les voyageurs qui, très jeunes, sont enfermés en prison. En fait, ils sont exclus de l'école. En fait, c'est tout un mécanisme. C'est-à-dire qu'on les fait sortir de l'école par le racisme, etc. Des enseignants comme des élèves. Donc à la fin, ils ne se sentent pas à leur place et c'est échec scolaire, déscolarisation. Ensuite, c'est la prison parce qu'il y a la survie, la galère du quotidien. Ensuite, les exécutions policières. Donc c'est un schéma mortifère et macabre, quoi, d'oppression raciste extrêmement violente. L'antiziganisme, je pense, est le racisme le plus prégnant, le plus fort. Enfin, pas le plus prégnant, mais le plus fort. Enfin, le plus accepté. Le plus accepté, le plus banalisé, mais le plus violent dans cette société. Et moi, je dis souvent qu'il y a une pyramide raciale, et je pense bien que les voyageurs sont tout en bas, cette pyramide raciale. Il y a 30 minutes, moi, encore 15 minutes, pour moi, après toi, peut-être tu peux continuer, mais voilà. Moi, j'arrive quasiment à la fin. Il y a une dernière question à laquelle je pensais, c'est... Alors ça, je ne sais pas, c'est vrai qu'on n'a pas de... comment dire... On ne peut pas faire de statistiques ethniques en France, tout ça, du coup, on n'a pas de vraie vision là-dessus. Mais moi, en tout cas, dans les gitans que je connais, tout ça, c'est vrai qu'il y a une progression du vote Rassemblement National. Et il y a plusieurs figures de gens du voyage dont tu as parlé, je pense, ton avocate et tout ça, qui Christophe aussi en a parlé, tout ça. Est-ce que on se ressentit aussi? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment ça se fait avec l'histoire de ce parti? C'est vrai que moi, je suis très fier de ça. On a fait une superbe campagne qui a fait beaucoup de bruit avec William, Anina, Christophe, les vidéos de Raymond également, de Nikki, Laurier, etc., de plein de femmes, d'hommes, de voyageurs, de résistants voyageurs, d'anciens internés, de figures de la communauté. On a fait cette grosse campagne qui s'appelait Voyageurs contre le RN pour justement casser au maximum le vote RN chez les voyageurs. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui existe. Bon, il faut relativiser parce qu'en réalité, l'écrasante majorité des voyageurs s'abstiennent. L'écrasante majorité ne se sentent pas légitimes à voter. Ça, c'est la première chose qui permet de relativiser. Ensuite, sur la minorité qui vote, il y a effectivement un gros vote RN. Mais c'est une minorité qui vote, voilà, donc il faut le préciser quand même. Mais ce gros vote RN, il s'explique que c'est un mécanisme similaire à tout un tas de populations subalternes, parias et opprimées. Que ce soit dans les Outre-mer notamment, que ce soit les populations issues de l'immigration portugaise, italienne, etc. Et en fait, il y a une volonté assimilationniste. C'est-à-dire qu'à force d'être stigmatisé et de subir, les gens se sont dit il faut qu'on montre patte blanche, il faut qu'on se montre plus français que les Français, comme ça on sera tranquille. C'est une des trucs d'explication. Mais du coup, avec cette campagne Voyageurs contre le RN, ça nous permet vraiment de casser ce vote RN. Parce que nous, notre intention quand on a fait cette campagne, c'est effectivement de rappeler que le RN, c'est un parti qui, à la fois historiquement, est profondément anti-tsigane, et avec des résistants qui témoignent de leur internement par des gens qui ont participé à la fondation du RN, du Front National, il faut l'appeler comme ça. Donc c'est la partie historique, mais aussi la partie du temps présent. C'est-à-dire que le Rassemblement National, Front National, à l'Assemblée Nationale, toutes leurs propositions de loi, c'est des propositions de loi pour empêcher les voyageurs de voyager, pour mettre des bâtons dans les roues pour les voyageurs, c'est des propositions de loi anti-tsigane. Et donc c'est ce vrai travail qu'on fait, quoi. Donc ça avance, c'est très dur, il y a beaucoup de violence, mais on est sur la bonne voie. Ça sort de l'ombre, et notamment grâce aux petites structures médiatiques comme vous, qui se font alliés de nos luttes, vraiment, et qui font écho à cette parole-là, et qui permettent de sortir l'antiziganisme dans l'angle mort de l'antiracisme. Et si, oui, peut-être une dernière question. C'est par rapport à ton passage, à ta rencontre avec Parole d'honneur, ta participation au mouvement antiraciste ces derniers temps. Est-ce que tu as l'impression qu'avec parce que tu parlais aussi d'un renouveau associatif dans le monde des voyageurs, tout ça, est-ce que tu penses qu'il y a une vague antiraciste tzigane qui se prépare pour l'avenir. Et je pense effectivement qu'il y a un vrai renouveau antiraciste. Et ça fait chaud au cœur, notamment avec Parole d'honneur, avec Tzedek, notamment les Juifs décoloniaux. Et c'est vrai qu'il manque l'organisation de voyageurs en tant que telle, donc il faut la construire et on y travaille. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des alliés effectivement de nos luttes et que Tzedek relaie beaucoup, par exemple, la lutte contre l'antitsiganisme, que Parole d'honneur nous a fait écho à travers une tribune médiatique. Ceci étant dit, il faut que ce soit vraiment les premiers et premières concernés qui soient acteurs et qu'on construise cette organisation-là. Mais effectivement, grâce à ces alliés-là, ça nous permet petit à petit d'émerger dans l'antiracisme et de faire entendre nos voix. Donc ce sont des alliés avec qui on va travailler et on va créer cette organisation antiraciste qui luttera contre l'antitiganisme pour mettre le yak, ça veut dire le feu en romanès, au racisme et à l'antitiganisme. Voilà. Pour mettre le yak, c'est bien dit ça. Hein. T'as fini? Raciste. Bon, ouais. Ouais. On fait encore un petit 15 minutes et alors t'as dit quelque chose? Ah voilà, pardon. Et donc on parlerait plus parce que bon, plus de ton livre aussi, Arrachons une vie meilleure. Donc il faut savoir, on se retrouve aux rencontres. Comment ça s'appelle ici? Le Maquis. Oui, voilà, le camping Le Maquis. Et chaque année, ils font des rencontres comme ça de 5 jours, d'une petite semaine, quoi. Et il y a des rencontres ici. Et voilà, Richie est venu présenter son livre « Arrachons une vie meilleure », quoi. Et en sous-titre, c'est « Le manifeste du jeune activiste face au péril qui guette l'humanité ». Et là, on apprend, ben, tu l'as dit, hein, à 14 ans, tu es sur les ronds-points, tu découvres un peu la politique. Et... quoi, c'est ça que ça raconte? Alors le livre, c'est un peu ce que tu racontais ce matin, hein, Arrachons une vie meilleure. La conf de ce matin, c'était Gitan, gilet jaune et écologiste, un cheminement révolutionnaire. Et c'était un peu de montrer les étapes par lesquelles je suis passé pour en arriver là, justement. Et en fait, ce bouquin, Arrachons une vie meilleure, publié aux éditions Masso, qui va sortir le 28 août en librairie, et que ensuite je vais aller présenter un peu partout en France, en cheminant sur les luttes, qui a d'ailleurs beaucoup été inspiré de mon périple que j'avais fait en 2022 en faisant 5500 km à pied en stop à travers toute la France et qui s'appelait justement sur le chemin. J'ai entendu parler de ça. Qui s'appelait justement sur le chemin de celles et ceux qui luttent, ouais. Sans argent ni rien. En fait, ça reprend un peu les gilets jaunes, ce Tour de France, les luttes contre l'antiziganisme. C'est un petit bouquin que j'ai écrit autant sur la forme que sur le fond. Pour l'adresser aux personnes qui ne sont pas politisées. Je l'ai écrit comme si je l'adressais à un jeune de 14 ans à l'époque, voyageur comme moi, qui n'était pas politisé, pour que ce soit accessible. C'est pour ça que quand des personnes ultra politisées le lisent, ça peut paraître frustrant, mais en réalité, voilà. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un truc qui se veut hyper théorique, etc. C'est vraiment terre à terre. Et il y a une première partie, en fait, qui s'appelle « De multiples sources d'indignation ». Et dans lesquelles je reviens justement sur l'injustice sociale, sur les désastres du capitalisme, sur la misère, sur la crise écologique, sur les violences policières, sur le racisme, sur la colonisation, toutes ces sources d'indignation. Une deuxième partie qui s'appelle « L'action révolutionnaire s'impose ». Donc suite à ces indignations, il faut agir. Et là, je tire des leçons un peu d'action stratégique, de réflexion sur nos pratiques de lutte. Et une troisième partie qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, « Le monde dont nous rêvons et dont nous allons faire une réalité ». Et qui est de dire un peu, voilà, ma génération, elle rêve d'un autre monde et nous allons faire une réalité, un monde utopique. Et il y a plusieurs textes, notamment de jeunes amis à moi, et notamment Mathis qui était à côté tout à l'heure, qui a écrit un des trois textes qui sont à la fin. C'est chouette, tu laisses la place, quoi. Il faut, c'est collectif. Mais alors j'aimerais bien aussi que les gens comprennent. Plein de rencontres. Tu dis ? C'est le fruit de plein de rencontres, ce livre, de milliers de rencontres. J'aimerais bien aussi que les gens qui te connaissent pas, moi je connaissais pas toute l'histoire, je savais simplement que tu avais un procès pour l'histoire de faisons tomber la tête des monarques, j'avais entendu ça, je me dis génial, enfin, tu vois, je trouve que ça donne de la bonne humeur, tu redonnes de la joie du combat quoi, et de l'action aussi surtout, tu dis ? Du peps. Oui, non mais c'est vrai, ça fait, et j'aimerais bien, peut-être pour toi c'est redondant, hein, je suis désolée, mais c'est vraiment pour les gens, moi je connais l'histoire maintenant, je l'ai entendu, mais tu parles de trois types d'actions quoi, tu parlais à la fête de l'humanité, tu parlais du salon d'agriculture et de Jordan Bardella, tu vois. Ouais, ben pour faire un récap sur ces trois actions qui ont été un peu des haut-parleurs du combat que je mène, il y a eu la fête de l'humanité, durant laquelle je ne pouvais pas supporter de voir Édouard Philippe à la tribune, alors qu'il avait fait couler le sang de mes potes et de mes camarades gilets jaunes, de mes amis, Jérôme, Vanessa, Manu, qu'il avait donné l'ordre d'éborgner, qu'il avait limogé un préfet parce qu'il n'y avait pas eu assez d'éborgnement. Et moi, je ne pouvais pas le supporter de le voir là avec une opposition au carton de Fabien Roussel qui n'allait pas l'interpeller sur ce sujet. C'est pourquoi j'ai pris le micro, je lui ai arraché en montant sur scène et j'ai dit « Édouard Philippe est un éborgneur, il a fait couler le sang durant le monde des gilets jaunes, il a sévi durant le monde des gilets jaunes, il n'a rien à faire ici ». Et donc ça, c'était cette action-là qui était très importante pour moi et qui coïncide avec l'ADN Gilets jaunes. Ensuite, t'as, t'as pris le micro, t'as fait le truc flagrosse, quoi, quand même, hein, parce que c'est, tu l'as dit là maintenant. Tout à fait, oui, c'est ce que j'avais dit. Et ensuite, il y a eu le truc au salon d'agriculture, effectivement, contre Macron, où je dis l'éborgneur, là aussi pour rappeler son rôle dans les éborgnements des Gilets jaunes, n'oublie jamais qu'on est dans le pays de la Révolution française, le pays qui fait tomber la tête des monarques. Parce que, comme je l'ai expliqué ce matin, c'est extrêmement important pour moi de faire vivre la mémoire des luttes, la mémoire des révolutions, des insurrections, des émeutes, des soulèvements, etc. etc. Ensuite, il y a eu Jordan Bardella, et là c'est plutôt pour le côté de la lutte contre l'antiziganisme, où je lui ai rappelé que le fascisme était une menace à éradiquer. Et quand je dis ça, je pense notamment à ce que le fascisme a fait à mes grands-parents, à la génération de mes grands-parents, et à ce qu'il fait encore aujourd'hui. Donc c'est en ce sens que je vais dire que le fascisme était une menace à éradiquer, et qu'on s'occuperait de son cas, en le mettant hors d'état de nuire politiquement. Et pourquoi tu fais ça, Richie? Pourquoi tu prends le micro pourquoi tu fais scandale comme ça? Ben parce que c'est une nécessité vitale chez moi. Je ne peux pas rester silencieux. C'est plus fort, tu vois. C'est l'ordre mécanique, vraiment. Je n'arrive pas à garder le silence. Et t'as pas peur de te faire casser la gueule? Tu t'es fait casser la gueule? Oui, à plusieurs reprises, tu vois, par les flics, etc. Et qui m'ont mis en garde à vue pour mes actions militantes. Mais si tu veux, la peur n'enlève pas le danger, déjà. Et j'aime bien reprendre les vieilles formules, qui sont parfois pleines de sagesse. Mais parce que pour moi, on a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Et pour moi, c'est ça vraiment le truc. Développe l'idée, parce que ce matin, je trouve que tu expliquais bien. En fait, je pense que, effectivement, là, les risques sont énormes. Et tu te dis, si c'est pour rien gagner, ben, ça ne vaut pas la peine. Mais quand tu vois tout ce qu'on a à gagner à côté, ça en vaut largement la peine. Que pour moi, cette vie, elle est tellement pourrie. Ils ont fait tellement de mal à ma mère, à ma grand-mère, à mon père, à mon grand frère, à mon petit frère, à ma famille, que si tu veux, j'ai une rage qui est tellement puissante, tellement grande en moi, que j'ai une force énorme, inarrêtable, pour leur cracher à la figure, à ces gens-là, à ces ordures qui détruisent nos vies. Et pour leur dire, on ne vous laissera pas faire, on ne se laissera pas marcher dessus, on va se défendre avec énergie, avec force, avec opiniâtreté, avec conviction. On ne vous laissera pas passer. No pasaran, comme disaient les camarades. Et on va vous affronter, on va anéantir votre monde pour, sur les cendres de votre monde, on va y foutre le yak, pour sur les cendres de ce monde, construire une meilleure société, une vie meilleure, parce qu'on y a le droit. On a le droit à des jours meilleurs, on a le droit à un peu de bonheur, on a le droit à un peu d'insouciance, on a le droit de respirer un air sain, de bien manger, de bien boire, on a le droit de chanter, de passer du temps avec nos anciens qui ne devraient pas crever au travail. On a besoin de tout ça, un besoin vital. Mais t'es en procès là, t'as un procès, c'est quoi l'histoire? Parce que t'as des soucis là. Alors j'ai un procès Et j'aimerais bien que tu t'expliques aussi ce matin que tu profites de tout, entre guillemets, les scandales que je fais là, pour que ça devienne politique, quoi, pour médiatiser le truc. Enfin, tu joues avec tout ça, quoi. C'est ça. Alors oui, effectivement, pour la phrase de Macron dont je vous ai parlé, ça me vaut un procès. Je devais avoir le procès le 9 août, là, ce 9 août. Il a été reporté en mars 2026, qui est assez aberrant, et ce qui montre la frénésie du parquet sur ce truc. Et une plainte de Bardella, on n'a pas trop de nouvelles pour le moment du parquet, qui donnera sûrement lieu à un procès ou pas. Mais c'est vrai que chacun de ces trucs, je les utilise comme des tribunes politiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais ces trucs-là, à chaque fois, il y a des médias dans lesquels on fait écho aux idées, et puis des tribunes à travers les procès, où à chaque procès, en fait, on inverse les chefs d'accusation. C'est-à-dire que moi, je suis accusé pour menace de mort, on rappelle que le criminel, c'est Macron. Accusé pour menace de mort, quoi. Voilà. C'est ça. Et quand j'aurai ce procès-là, on s'en servira pour faire le procès de Macron, pour tout le sang qu'il a sur les mains. Voilà, mais ce qui est important à dire, c'est que tu fais pas simplement du buzz, quoi. C'est autre chose. Non, mais il faut qu'on comprenne bien ça. Certains appellent ça l'agitprop. C'est l'agitation des esprits. Moi, je pense que dans cette société-là, faut pas la laisser dormir, tu vois. Faut pas la laisser en paix. Faut pas laisser le silence. C'est-à-dire que certes, on n'est pas dans une période d'effervescence politique au sens où il n'y a pas un mouvement révolutionnaire, malheureusement. Mais c'est pas pour autant qu'on doit rester les mains dans les poches en attendant le grand soir. On doit faire un maximum d'agitation, de bruit, pour justement semer les idées, des envies. Moi, je sais que par exemple, il y a tout un tas de jeunes qui peuvent voir ces images-là, à qui ça peut donner des idées, à qui ça peut poser des questions, que ça peut intriguer, ou moins jeunes d'ailleurs, tu vois. C'est l'histoire de dire avec une phrase, tu suscites de la curiosité et tu suscites l'envie chez certains d'approfondir le sujet. Mais oui, on arrive à la fin. Vous avez envie de dire quelque chose là, toi aussi? Allez profiter du micro pour si vous avez un truc à dire sur ce qui s'est passé ce matin, sur là maintenant, cet après-midi, sur ce qu'on discute, sur le sujet des tziganes, des Roms. C'est vrai que c'est réconfortant de connaître, d'avoir un symbole comme Ricci qui a le don de savoir s'exprimer et qui est avec beaucoup d'utilité, qui exprime son histoire individuelle et qui en fait une cause politique. C'est vrai que qu'on a besoin de ça, qu'on a besoin de ramener le politique au personnel et d'avoir des exemples comme ça, c'est très encourageant et ça nous donne envie, en effet, comme tu le disais, de prendre la parole, nous aussi, et de rêver d'un monde meilleur, parce que comme tu l'as dit, ça nous a permis et d'aller vers ça. Ouais, je suis d'accord avec eux deux, franchement. Parce que moi, j'accompagne souvent des fois Ricci dans ses petites mésaventures, on va dire. Et oui, il y a un réel impact, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont plus l'espoir, qui se disent que c'est plus possible. Et d'ailleurs, c'est aussi les Gilets jaunes, hein, c'est ce que ça a permis à ce moment-là. C'est qu'il y en a beaucoup qui croyaient en plus rien du tout et qui ont vu d'un coup quelque chose arriver devant leurs yeux. Et où, au bout de 3 semaines, les gens se sont dit, mais au final, est-ce que l'Élysée va pas tomber? Et les 3 semaines avant, c'était inimaginable, quoi. Et donc, de faire des actions comme ça, même dans une période où c'est pas forcément le grand soir où tout va changer du jour au lendemain, ça permet aussi de rappeler aux gens et de se dire moi aussi je peux faire des choses, d'accord, ça va peut-être pas tout changer, mais je peux quand même convaincre quelques personnes. Et c'est en faisant tous des petites actions que ça réveille les gens petit à petit aussi. Hein. Ouais, ça permet de créer du collectif, quoi, aussi, c'est ça aussi. Hein. Tu dis? Et toi, qu'est-ce que ça te fait d'entendre tout ça? Qu'est-ce que ça résonne en toi? Moi, si je suis là avec mon micro, ça veut tout dire, non? Moi, j'ai entendu parler de Ricci, je me dis, putain, il va aux rencontres, j'y vais, quoi. Voilà, je donne la parole, quoi, tu vois. T'as envie de dire quelque chose, toi, le journaliste? Non, mais c'est bon. Ricci? On leur met dans le poing. On leur met le poing dans la figure. Ah, pas mal, le poing dans la gueule. On terminerait sur quoi alors, sur tout ça? On pourrait terminer. On peut reciter. Mettrai la référence de ton livre. Ah, super. Ouais, arrachons une vie meilleure. Mais non, on peut terminer en citant peut-être Raymond, quoi. Ce matin, je l'ai repris. Il avait cette magnifique formule qui disait ils ont eu la graisse, ils n'auront pas la peau. Yak. Merci à vous. Hein. Merci à toi.